Mes chers camarades, chers amis, nous allons commencer le meeting. Je vous demande de bien vouloir vous rapprocher. Il y aura 5 prises de parole. Et la première prise de parole, Anne Vermorken, Voorzitter, ACV, CSC, à toi Anne. We zijn hier vandaag met veel mensen. Het stroomt toe, het stroomt massaal toe. Net als in december en als in januari en in februari en in april. We lopen een Arizona marathon, een actiemarathon, noodgedwongen. En we zijn hier niet alleen met syndicalisten. Integendeel, we zijn hier met verschillende organisaties en NGO's. Uit het middenveld. Vrede, milieu, mensenrechten, armoede, solidariteit hier en in de wereld. Thema's die ons verbinden. Jongeren, ouderen, zieken, vluchtelingen, vrouwen, werkzoekenden. Doelgroepen die ons wel bekommeren en waar dat wij solidair mee zijn. Kortom, een breed middenveld, een breed en kleurrijk middenveld is hier vandaag aanwezig om samen een vuist te maken tegen deze Arizona-regering. En we staan hier niet zomaar omdat alles fundamenteel fout loopt. Dus samen maken we een vuist tegen de Arizona-regering. Demain, le Parlement se prononcera sur la loi programme. Une loi qui prétend tout régler, mais qui, en réalité, ne résout rien d'essentiel. Les allocations de chômage seront réduites pour les jeunes qui n'y auront même plus droit s'ils ne peuvent pas produire un diplôme, mais aussi pour les plus âgés, malgré toutes les promesses creuses de l'ensemble de la classe politique. Tout le monde est touché. La protection sociale est méthodiquement démantelée. Et que s'y passe-t-il même pendant ce temps? Pendant ce temps, les employeurs s'accrochent obstinément à leur sacro-sainte norme salariale de 0%. 0%. Hooguit is ver weg op een zogenaamd lang traject dat pas over jaren iets zal opleveren in de portemonnee. Maar vandaag krijgen we niks, rien, nada. En waar is de regering die ooit trots zei dat de inkomens van mensen, dat ze die zouden versterken, dat ze zouden gaan voor meer koopkracht. Ja, en nu meteen de maaltijdchecks wel in de regeerakkoord schrijven en zeggen, we gaan dat meteen verhogen. De premier zei, het is een quick win, maar we horen en zien niks meer. Mais il y a pire encore, le ministre de l'Emploi, David Clarenval, a annoncé une nouvelle offensive. Ouh, une attaque contre notre sécurité d'emploi, notre tranquillité d'esprit, notre dignité. Il appelle cela de la flexibilisation. Nous l'appelons par son véritable nom, de l'exploitation en version moderne. Davantage d'heures supplémentaires, aucune garantie sur le nombre d'heures prestées, pas de jours de travail fixe, plus aucune sécurité du tout. Chers amis et amis, un travail flexible sans protection n'est pas un progrès, c'est un retour en arrière. En dan zegt deze regering, we willen meer mensen aan het werk. Daar zijn wij ook voor natuurlijk. Maar de realiteit is dat ze vooral de mensen die nu al werken, harder, flexibeler en goedkoper willen inzetten. Nachtwerk wordt normaal en minder betaald. Zondagswerk vanzelfsprekend. En de annualisering van arbeidstijd, vraagteken. Dat is niet weten hoeveel je mag werken, wanneer je werkt of wanneer je thuis komt doorheen het jaar. Het enige wat je wel weet, dat is dat je flexibiliteit moet tonen ten dienste van de werkgever. Il ne s'agit pas d'une politique conçue pour les citoyens. Il s'agit d'une politique conçue pour les actionnaires. Alors que nous devons attendre 2029 pour bénéficier d'une maigre hausse de notre salaire net, les entreprises reçoivent dès aujourd'hui 500 millions d'euros en plus et bientôt 2 milliards. En période de soi-disant austérité et de coupes budgétaires à tous les étages, sous prétexte qu'il n'y a pas d'alternative. Avec un gouvernement qui prétend assainir les finances publiques, un gouvernement qui veut des économies qui ne doivent apparemment être supportées que par les travailleurs. En dus, vrienden, vriendinnen, zeggen wij tot hier en niet verder. Zolang ze niet willen luisteren, zullen ze het moeten voelen. Elke keer opnieuw. We willen echte onderhandelingen over echte oplossingen. Over een loonmarge die mensen vooruit haalt. Over een arbeidsduur die menswaardig is. Over sociale zekerheid die versterkt wordt en niet wordt uitgehold. Het is jammer dat we op straat moeten komen. Maar als het de enige manier is om gehoord geworden, dan zullen we dat blijven doen. Vastberaden en solidair. En met één boodschap. Wij pikken dit niet langer. En op 14 oktober, beste mensen, op 14 oktober zijn we terug paraat. Dan hadden we een grote loopbaanmars. Jong en oud worden er allemaal niet beter van. En zij worden gesjareld door de aanval op de arbeidsuren, op de werktijd, op de flexibiliteit en voor minder pensioen aan het einde van de rit. Dus laten we ons samen laten vergaan op 14 oktober. Want wij laten ons niet langer uitpersen als citroenen. En vandaag zeggen we nee aan de niet van de werkgevers. Nee aan de niet van de regering. Maar wel ja voor meer respect voor ons allemaal, voor alle werknemers. Dank jullie wel. Et maintenant la parole à Sybille pour la Ligue des droits humains. Aujourd'hui, le gouvernement choisit de placer des dizaines de milliers de personnes dans la pauvreté et l'insécurité. Les personnes pensionnées, chômeuses, travailleuses, allocataires sociales, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et malades. Et c'est aussi les générations futures qui en paieront le prix. Cet acharnement à désosser les droits économiques, sociaux et culturels s'inscrit dans une stratégie plus large. Le gouvernement précédent les avait déjà bien tannés. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut leur faire la peau au contre-pouvoir. En ligne de mire, un dépeçage de la démocratie. Acte 1, le Parlement. Le gouvernement dépose 450 pages à examiner au pas de charge sur des questions à 288 milliards d'euros et 11 millions de personnes. Débat à des heures indécentes, invectives, incessantes, demandes d'audition purement et simplement rejetées. Et ça, c'est quand au Parlement, on ne triche pas pour voter à la place du voisin. Acte 2, la justice. Le gouvernement se fiche de respecter des milliers de décisions de justice. Le Premier ministre se permet de dénigrer nommément des magistrats La justice, son sous-financement est organisé de manière structurelle depuis plus de 10 ans. Mais qui va défendre les citoyennes et citoyens contre une décision arbitraire quand les plafonds s'effondrent et que le service public est en sous-effectif? N'allez rien demander au Premier ministre. Il se permet d'écrire à la Cour européenne des droits de l'homme pour lui demander de la mettre en veilleuse sur certains sujets. Acte 3, la presse. On a un gros problème. L'Arizona marque un tournant. Arrestation de journalistes pendant leur travail. Oui, oui, c'est arrivé 2 fois depuis le début de l'année. Ingérence de la ministre des médias dans la liberté éditoriale de la RTBS. Multiplication des procédures bâillons pour censurer des articles du soir de la RTBS ou de Sud Info. Coup de fil par des politiciens à qui des articles déplaisent. Coup de fil directement passé à des journalistes. Et c'est aussi le pluralisme qui est en danger avec le protocole de fusion des groupes IPM et Rossel qui organise la concentration des médias en un seul groupe de presse. Acte 4, le droit de manifester. La criminalisation de ce droit politique va bon train. Interdiction préventive de manifester. Projet d'interdiction punitive de manifester. Arrestation préventive, NAS illégale, poursuite en justice des activistes. Proposition d'interdiction des piquets de grève. Pression sur les syndicats, la société civile et les acteurs du mouvement social qui informent, politisent et mobilisent. Mais est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on n'est pas d'accord ? Acte 5, le principe d'égalité et de non-discrimination. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le définancement d'UNIA. Je n'ai pas besoin de vous parler de la politique migratoire, puisque vous avez vu que le Vlaams Belang se réjouit que son programme soit mis en œuvre par le gouvernement. Je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les atteintes au cordon sanitaire avec des sorties racistes, transphobes. Vous avez toutes et toutes vu ces sorties de manière récurrente. Vous le savez comme moi, ce gouvernement déteste l'égalité. Alors, est-ce que nous allons laisser la démocratie, l'état de droit et les droits humains se laisser dépecer ? Sans ces contre-pouvoirs, comme nous le voyons partout dans le monde, succède à la démocratie le règne de l'arbitraire, de la terreur et de la misère. Sans sécurité sociale, sans conditions de travail décentes, sans capacité de nous loger, de nous nourrir, de nous soigner, d'accéder à des formations et à des études, la population est asservie à sa survie et la démocratie est en danger. Sans presse libre et pluraliste, sans justice indépendante et efficace, sans un Parlement qui ait la capacité de mener un débat de qualité, sans protection des minorités et défense de la diversité, sans syndicats et société civile, il n'y a pas de démocratie. Mais sans nous qui nous rassemblons, qui marchons, qui exprimons notre refus de toute dérive autoritaire et austéritaire, sans nous qui sommes conscients de l'interdépendance de nos luttes, sans nous qui nous battons en solidarité et qui ne nous laisserons pas impressionner par la criminalisation de notre opposition à ce funeste projet politique, sans nous, sans notre résistance, il n'y aura plus demain de démocratie. Alors aujourd'hui, c'est la tête haute que nous nous rassemblons, unis, parce que nous savons pourquoi nous nous battons. Chers camarades, chers amis, on est ici pour dénoncer beaucoup de choses. Principalement, le fait qu'on est face à un gouvernement qui ne fait rien pour les travailleurs. Un gouvernement qui met tous les efforts sur le dos des travailleurs. Un gouvernement qui est en train de démanteler notre modèle social. Mais, chers amis, chers camarades, lorsque le gouvernement a été mis en place, un certain Georges-Louis Boucher a... Je vois que vous l'aimez tous. Un certain Georges-Louis Boucher a dit « On aura maintenant un gouvernement d'ingénieurs ». Eh bien, chers camarades, on a aujourd'hui un gouvernement de menteurs. Vous vous souvenez, Pinocchio ? Et voilà ! Et voilà ce gouvernement ! Des mensonges, des mensonges et des mensonges. Ils avaient dit plus 450 euros pour les travailleurs. On va revaloriser le travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 6 mois ? Bloquer les salaires. Dire quand vous travaillez le dimanche ou la nuit, vous gagnerez moins. Dire maintenant on peut faire des contrats de 1 heure par semaine. Dire l'indexation automatique, elle va être retardée pour les fonctionnaires, pour les travailleurs du non-marchand. Dire on va diminuer les préavis. Dire il y aura une réforme fiscale pour augmenter les salaires nets. Mais en 2029, pas tout de suite. Un gouvernement de menteurs. Ils avaient dit qu'ils protégeraient les travailleurs qui travaillent et ceux qui ont travaillé. Toutes les pensions dans ce pays, toutes les pensions vont diminuer, sans exception. Quand on remplace un bonus par un malus, on diminue les pensions, point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le savoir. Et le dernier des mensonges, les 2 euros, le chèque repas, où est-ce qu'ils sont ? On leur a renvoyé la patate chaude. On leur a dit, vous l'avez décidé, faites-le. On attend. Aux dernières nouvelles, ce ne sera pas pour 2025 et ce ne sera pas pour 2026. Encore un mensonge de plus, chers camarades. Ce gouvernement de l'Arizona est un gouvernement à droite tous. Il est pire que le gouvernement de Charles Michel, point à la ligne. Alors, il y a une promesse qu'ils ont tenue. Ils ont tenu une promesse. Exclure 185 000 chômeurs. Et Clara Aval, il dit que c'est un accord historique. Voilà comment les libéraux écrivent l'histoire. En envoyant 185 000 personnes dans la pauvreté. Mais ce qui nous inquiète, c'est le sort aussi des travailleurs, des travailleuses qui vont tomber en chômage. Ces vendeuses qui, après 35 ans de travail à 4/5e temps, n'auront droit qu'à 2 ans de chômage. Idem pour une infirmière, idem pour une femme d'ouvrage. Les travailleuses, avec ce gouvernement, elles prennent cher, un camarade. Alors, plutôt que de fanfaronner comme il le fait, en disant « Regardez ces chômeurs qui chôment depuis 10 ans, depuis 20 ans, j'aimerais bien qu'il ait le courage d'aller devant les infirmières, les femmes d'ouvrage, les vendeuses, et de leur expliquer qu'elles n'auront droit qu'à 2 ans de chômage. Et de leur expliquer que les prépensions, c'est terminé. Et de leur expliquer qu'elles vont trop travailler jusqu'à 67 ans. Ça, ce serait du courage. Mais jamais il ne l'aura, évidemment. Jamais. Ce n'est pas sérieux de travailler comme ça. Ce n'est absolument pas sérieux. Et puis, vous savez, j'ai demandé à mes collègues, mais finalement, est-ce que je ne m'énerve pas un peu trop vite ? Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses qui sont faites depuis 6 mois ? Et je leur ai dit, faites-moi un peu un document en 2 colonnes. À gauche, tout ce qui est contre le monde du travail. À droite, tout ce qui est pour le monde du travail. À gauche, il y avait 29 mesures contre le monde du travail. À droite, il n'y avait rien. Depuis 6 mois, ils n'ont pas pris une seule mesure en faveur du monde du travail. Tout ce qu'ils ont su faire, c'est diminuer le pouvoir d'achat, augmenter la flexibilité et diminuer les pensions. Alors, certains au gouvernement nous disent « Mais ne vous en faites pas, il y aura une taxation sur les plus-values. » D'abord, quand il s'agit de diminuer les pensions, quand il s'agit d'exclure les chômeurs, ça va vite. Hein. En un mois, c'est fait. Mais quand il s'agit de taxer les plus riches, de taxer ce pourcent des Belges les plus riches et qui payent à peine de l'impôt, là ça dure des semaines et ça n'aboutit pas. Et aujourd'hui, quand on voit les textes, on a un véritable grouillère devant soi. Il y a plus d'exceptions que de règles générales. Ils sont en train de créer un paradis pour les fiscalistes et ça ne servira rigoureusement à rien. Qu'ils fassent attention, que ce soit vos règles, les engagés ou le CDNV, jamais ils ne pourront vendre cette petite taxation sur les plus-values en contrepartie de tout le mal qu'ils ont fait au monde du travail jusqu'ici. Chers amis, chers camarades, je ne serai pas plus long, je vous dirai simplement, en effet, ce gouvernement de droite et d'ultra-droite, il est là pour démanteler la sécurité sociale et les services publics, pour démanteler les droits des travailleurs, pour démanteler la protection des travailleurs, pour démanteler le modèle social que nous avons construit et qui a fait un certain nombre de choses et qui a construit un certain bien-être en 80 ans. Ils sont en train de détricoter, de détruire et de ne jamais rien proposer pour nous, nous qui créons les richesses dans ce pays. Ce ne sont pas ceux qui font les plus-values qui les créent. En fait, les plus-values, c'est nous qui les créons et en plus, ils ne sont même pas taxés. On casse la concertation sociale. Chers amis, chers camarades, on peut aujourd'hui redire ce qu'on disait il y a 6 mois. On assiste à la plus grande régression sociale de ces 80 dernières années avec ce gouvernement. En 6 mois, ils auront réussi à détruire 80 années de construction sociale et de concertation sociale. Alors aujourd'hui, on doit se réunir d'une chose. On était parti pour une concentration. Et on a été bien obligé de passer à une manifestation parce que nous sommes à nouveau des dizaines de milliers, vous êtes à nouveau des dizaines de milliers à avoir répondu à notre appel. Et donc on va manifester et pas simplement faire une concentration. Aujourd'hui on est là pour rappeler qu'on est contre cette mesure concernant les chômeurs, mais qu'on est contre ce démantèlement généralisé. Et c'est super bien que le monde associatif soit avec nous aujourd'hui et sur la tribune. Merci à Civil et merci à Naïma d'être présents, parce que le combat sera long. C'est ensemble, les syndicats, les associations, le monde associatif, c'est ensemble qu'on gagnera le combat, et c'est ensemble et avec eux aussi que le 14 octobre, on sera à nouveau plus de 100 000 dans les rues. Chers amis, chers camarades, j'en suis certain, le 14 octobre, on va leur montrer qui nous sommes. Merci à vous, Léa. Naïma, je t'en prie, pour Elf, Elf, Elf. Merci, chers amis. Ik ben niet blij dat wij hier vandaag moeten staan, maar ik ben blij om hier samen met jullie te staan. Vakbonden, milieuorganisaties, armoedeorganisaties, vrouwenorganisaties, vredesorganisaties, wij als Beweging voor Internationale Solidariteit en nog vele anderen. We staan allemaal onder druk. Alles wat wij voor staan, staat onder druk. Maar het gaat niet alleen om onze eigen organisatie, onze eigen sector of onze eigen doelstellingen. Het gaat om waar wij allemaal samen voor staan. De maatschappij die we samen willen, de wereld die we willen. En vandaag horen we dat men miljarden wil investeren in wapens. En nog meer miljarden, en nog meer wapens, en nog meer miljarden, en nog meer wapens, en nog meer miljarden, en nog meer wapens. En elders moet er dan maar bespaard worden. En die besparingen worden voorgesteld als cijfers. Besparen op werkloosheid, op gezondheid, op pensioenen en zeker al 25% op ontwikkelingssamenwerking. Een grafiekje omlaag, een begrotingslijn omhoog. Maar dit, en dat weten wij hier allemaal, dat zijn meer dan cijfers. Het zijn levens, het zijn mensen die hun hoop verliezen. Hun gezondheid, hun toekomst, hun zekerheid. Sinds begin dit jaar zijn wereldwijd al 300.000 mensen gestorven door de besparingen van Trump op ontwikkelingssamenwerking. Vooral kinderen. En beleidsmakers rekenen ze weg en denken we besparen. Maar wat ze eigenlijk doen, is hun verantwoordelijkheid ontlopen. Want, en daarvoor zijn wij hier ook, investeren in internationale solidariteit is geen luxe. Solidariteit is geen luxe, maar basis. Solidariteit is geen liefdadigheid. Het is rechtvaardigheid. Het is kiezen voor een samenleving en een wereld die we samen delen. Ja. Ja, we willen veiligheid. We willen veiligheid nu en in de toekomst. We willen veiligheid hier en wereldwijd. Maar echte veiligheid. En echte veiligheid betekent mensenrechten garanderen. Goede gezondheidszorg, gezonde lucht, een stabiel klimaat. En daarom zijn we dus hier allemaal samen. Omdat wij niet zwijgen wanneer onrecht wordt weggezet als een cijfertje in een Excel-tabel. Omdat geen enkel mens minder telt dan een ander. Hier niet en elders niet. En omdat we weten, wapens zullen nooit, nooit alle oplossingen brengen. Een rechtvaardige wereld is geen droom, het is een keuze. Het is een plicht. En wij hier met z'n allen, kiezen ervoor. En we zullen onze beleidsmakers, onze politici blijven vragen, met aandrang, met druk, om daar ook voor te kiezen. Want solidariteit hier en wereldwijd, dat weten we, daar worden wij uiteindelijk allemaal hier en elders beter van. Beste collega's, chers collègues, chers amis, chers participants. We staan hier vandaag, vrienden, omdat we geen andere keuze hebben. Niet omdat we dit graag doen, maar omdat we moeten. Omdat men weigert naar ons te luisteren. Al maanden vragen we om echt sociaal overleg. Om een werkagenda, om dialoog. En wat krijgen we? Stilte. Uitsluiting. Aankondigingspolitiek. Ja, vooral aankondigingspolitiek. Geen doordacht beleid op mensenmaat. Budget de la défense, malus pension, limitation du chômage. Les annonces se succèdent. Et ça c'est pas normal. Mais il n'y a pas que ça qui n'est pas normal dans la rue de la loi. Bien au contraire. Le gouvernement prend des décisions sans concertation. Il écarte systématiquement la concertation sociale. Et pendant ce temps, on reproche aux syndicats de crier depuis le banc de touche. Mais comment peut-on contribuer si on n'en a pas la possibilité de s'exprimer? Beste vrienden, na meer dan 100 dagen ligt er nog steeds geen werkagenda op tafel. En intussen lezen we in de kranten dat alles al beslist is en dat wij enkel mogen beslissen over de details. Maar wie beslist er wat een detail is en wat niet? Laat me duidelijk zijn, beste collega's. Uw job, uw pensioen, uw leven, dat mag nooit een detail zijn. Dat verdient een respect, dat verdient sociale dialoog. Quand on prend des décisions fondamentales, on doit les prendre ensemble. Pas au-dessus de la tête des gens, mais avec les gens. Les mêmes personnes qui, nota bene, les ont élus. En beste vrienden, ik geloof nog steeds dat overleg geen hinderpaal is voor het beleid. Integendeel, het is beleid. Maar als je sociaal overleg bewust negeert, als je de sociale partners systematisch buitenspel zet, dan neem je een besluit. dan sluit je de deur voor honderdduizenden werkenden in dit land. Voor mensen die dag in dag uit hun best doen. Voor mensen die vooruit willen, niet achteruitgezet. Que se passe-t-il aujourd'hui? L'accord du gouvernement est souvent interprété au sens large. Ils touchent aux pensions, au chômage, au pouvoir d'achat. Et souvent, sans aucune concertation ni nuance. En als je wil dat mensen langer werken, dan begin je niet met maatregelen die hen uitputten. Integendeel, dan zorg je voor jobs die werkbaar zijn, die waardigheid bieden. Dan behandel je pensioenen niet als een boekhoudkundige kwestie. Dan behandel je die als een vorm van respect. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que les travailleurs ne sont pas des pions dans des jeux politiques. Parce qu'une démocratie ne fonctionne que si les syndicats ont eux aussi leur mot à dire. Want mensen verdienen meer dan aankondigingspolitiek. Ze verdienen beleid, vrienden, dat naar hen luistert. Beleid dat hen echt waardeert en respecteert. En laat dat de boodschap zijn die we vandaag en zolang het nodig is uitsturen. Niet tegen, maar voor. Nous sommes pas contre, mais pour. Voor overleg, pour la justice, voor respect. Merci à tout le monde, dank u wel. Chers amis, chers camarades, le meeting est terminé. Je vous propose maintenant d'entamer la manifestation en direction du Botanique. Merci à toutes et à tous. Thank you.